Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Entre chapelle et querelle, coup bas voire plagiat, le microcosme archéologique est impitoyable. Chaque année, toutefois, les archéologues unanimes déposent pioche et truelle lors d'une sorte de trêve des confiseurs, les journées nationales de l'archéologie. Ainsi, depuis hier jusqu'à demain, l'ensemble de la communauté ouvre ses chantiers, notamment à Gambec, Léon-Lille, Nancy ou Ber-la-Chapelle, organise des villages de l'archéologie à Besançon, Bonifacio, Bordeaux, Lorient, Lyon, Marseille, Nice ou Rézé. Mais me direz-vous, que se passe-t-il donc à Arenheim ? À Arenheim, c'est plutôt la fête des voisins. Quelque peu particulière d'ailleurs cette fête des voisins, un de ces massacres dont les archéologues raffolent, vieux de plus de 6200 ans de surcroît, et découvert par Philippe Lefranc, Fanny Chenal. Bonjour. Bonjour. Préhistorien, Philippe Lefranc, vous êtes spécialiste de la période néolithique, ce grand tournant de l'humanité. Anthropologue, Fanny Chenal, ce n'est pas la première fois que vous venez dans le Salon Noir, mais toujours à l'occasion de grandes découvertes. Rappelons que vous appartenez tous deux à l'INRAP et fouillez en Alsace. Philippe Lefranc, qui avait-il au fond du trou ? Les voisins ? Alors, moi je dirais que les voisins n'étaient pas à la fête. Et au fond de ce trou, nous avons trouvé les corps de 6 individus et plusieurs bras coupés. En tout cas, quel est le cadre ? Essayons de planter un peu ce décor, ce paysage de cette fouille. Ce que vous avez exhumé, c'est tout d'abord une sorte d'énorme enceinte ? C'est une enceinte, effectivement, énorme, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas pu la dégager sur tout son tracé, mais on a décapé à peu près 2 hectares. Voilà, sur ces 2 hectares, 1 hectare au moins est occupé par cette enceinte, qui se matérialise par un fossé continu, un fossé assez profond, jusqu'à 2,60 mètres de profondeur, hein, si on restitue sa profondeur originelle, autant de largeur, donc un fossé qui est clairement défensif. Et c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'en Alsace, on trouve une enceinte de ce type, qui est clairement défensive. Jusqu'ici, nous ne connaissions que des enceintes que l'on assimile à des enceintes cérémonielles, qui sont ouvertes aux 4 vents, qui tiennent plutôt du péribole sacré que du rempart. Voilà. Cela arrive à une période bien précise. Là, on est à peu près dans le 5e millénaire avant notre ère. Ça correspond à quoi ? Nous sommes à la fin du 5e millénaire, entre 4004 et 4200. C'est une culture, la culture qui occupe l'Alsace à ce moment-là est une culture danubienne, voilà, donc qui s'inscrit dans la tradition de la grande culture rubanée, celle qui est responsable de la néolithisation d'une partie de l'Europe et de l'Alsace à partir de 5003 avant notre ère. La culture locale en 4002 est installée en Alsace, dans la vallée du Neckar et dans le pays de Bade. C'est un des petits groupes danubiens, comme il en existe de nombreux en Europe à ce moment-là. Et si l'on a cette enceinte, c'est que malgré tout, on a envie de se protéger. Oui, ça c'est aussi une originalité du site d'Arenheim. Jusque-là, je vous l'ai dit, on ne connaissait pas d'enceinte défensive. Et ce type de structure était complètement inconnu pour cette période où on ne connaissait que de petits habitats dispersés. Donc de petites unités d'habitation, comme ça, des petites grappes de silos par-ci, par-là, aucune concentration d'habitat. On a l'impression que les gens se sont rassemblés, qu'ils ont rassemblé leurs récoltes dans les silos, qui sont des structures de stockage, et qu'ils les ont protégées. On peut se faire une idée de la surface ? C'est en quoi ? Une sorte de grand ensemble circulaire avec une palissade, avec un fossé ? Ça fait combien d'hectares ? Vous avez essayé de calculer ça un peu sur un plan, par exemple ? Vous avez grosso modo une idée ? Malheureusement, non, parce que tout le secteur qui entoure notre zone de fouille est détruit depuis longtemps, donc on ne saura jamais quelle était exactement l'étendue de cette enceinte. Elle fait au moins 1 hectare, c'est sûr, peut-être 2, peut-être 3. Ça, je ne sais, on pourra malheureusement jamais répondre à cette question-là. À l'intérieur, quantité de taches noires sur un sol fraîchement décalpé par une pelle mécanique. De quoi s'agit-il ? Donc ce sont les silos, dont il a été plusieurs fois question. Ce sont des structures de stockage qui sont destinées à la conservation à long terme des récoltes, à la conservation à long terme des céréales. Des structures qui, une fois désaffectées, et c'est tout leur intérêt pour les archéologues, servent habituellement, en tout cas régulièrement, soit de fosses à détritus. Tout le matériel archéologique que nous avons recueilli sur le site provient de ces fosses silos désaffectées, soit de fosses sépulcrales. On connaît aussi quelques sépultures régulières dans ces silos, et beaucoup plus rarement de fosses, je dirais, à résidus de rituels, peut-être. Si vous avez 300 ou 400 silos protégés par une enceinte, c'est qu'on est sur un centre extrêmement important et que beaucoup de gens viennent y mettre leurs récoltes. C'est donc les récoltes qui seraient protégées. Oui, les récoltes sont protégées. On peut imaginer que les gens sont aussi protégés. Ça correspond à une concentration de la population. C'est une découverte récente. On est seulement en train de réfléchir à tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. C'est effectivement assez troublant. Moi, je vois plutôt ça comme une façon de se protéger derrière une enceinte. Ça doit effectivement témoigner d'une période relativement troublée. Ouais. Philippe Lefranc, vous avez les maisons ? Non, nous n'avons pas les maisons, mais il y a sur le plan des zones qui sont très densément occupées par les silos. Il y en a absolument partout. Et puis des zones vides. Mais ces zones vides pourraient correspondre à l'emplacement des bâtiments dont les fondations ont été gommées par l'érosion, tout simplement. Félix Chenal, dans l'un de ces silos, le numéro 124, d'après ce que je crois, d'un seul coup, l'horreur, comment s'est faite ces découvertes ? On a commencé à fouiller la fameuse fosse 124 à la pelle mécanique, hein, comme on fait avec tous les silos. Donc on est descendu par très fines passes successives. Et au fond de la structure, on a découvert un nombre qui nous a semblé, au premier abord, très important, de restes osseux humains, donc d'os humains. Donc là, on arrête tout de suite la pelle mécanique, on prend nos truelles et nos pinceaux, et pendant des jours et des jours, on fouille très minutieusement, très méthodiquement, manuellement, ce dépôt de restes osseux humains pour essayer de comprendre ce que c'est. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait ici un dépôt de 6 squelettes adultes. Et voilà, ils sont tous disposés les uns sur les autres, sans organisation apparente, et parmi ces 6 squelettes adultes, on a aussi les restes de 4 bras gauches. Est-ce que l'on peut penser qu'ils ont été jetés à la va-vite dans cette fosse, dans ce silo ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas bénéficié de soins particuliers au moment de leur dépôt. Comme souvent d'ailleurs dans ce type de structure, les positions sont complètement anarchiques, il y en a sur le dos, il y en a sur le ventre, les membres reposent en position complètement désordonnée. C'est pas du tout ce qu'on observe d'ailleurs pour les pratiques funéraires pour cette période. Et alors, est-ce qu'ils ont été jetés du haut du silo ? Je pense là que c'est peu probable, étant donné que le silo a un profil qui s'élargit vers le bas. Et qu'eux, ils sont vraiment sur le fond et contre les parois. Mais en tout cas, ils ont été déposés sans ménagement, ça c'est sûr. Ils sont sur le dos, sur le ventre, ils sont les uns sur les autres ? Oui, exactement, c'est ça. Sur le dos, sur le ventre, les uns sur les autres, au contact strict les uns des autres. Donc tout nous amène à penser ici qu'ils ont tous été déposés en même temps. On en est sûr, là, après la phase de terrain, on peut l'affirmer. Donc un même instant, un même moment. On connaît des sépultures en silo, ce qu'on appelle dans le jargon des archéologues les tombes de relégation durant l'âge du fer. Là, c'est une chose qui est très différente ? Oui, tout simplement parce que ces individus présentent de très nombreuses traces de violence. On n'est pas du tout dans quelque chose qui a un rapport avec le funéraire, là on en est sûr. Tous les individus présentent des fractures, tous les crânes sont polyfracturés. Polyfracturé sur os frais, donc sur un os qui a gardé une partie au moins de sa trame protéique. Donc on peut savoir que la fracturation a eu lieu du vivant de l'individu ou peu de temps après sa mort. Donc les crânes sont systématiquement fracturés, les tibias sont systématiquement fracturés, les régions du bassin, le thorax le sont fréquemment, les membres supérieurs le sont aussi quasi systématiquement. On a vraiment là le signe d'une violence extrême. Ça se fouille comment ce genre d'individus pêle-mêle et en plus qui ont été visiblement massacrés, ça doit être une fouille très très difficile, les os brisés les uns sur les autres. C'est pas la fouille la plus évidente qu'on puisse faire. Hein. Pour un anthropologue, c'est un casse-tête. Mais bon, là, on avait la chance d'avoir des squelettes extrêmement bien conservés. Et il semble qu'ils étaient recouverts de sédiments, recouverts de terre, très peu de temps après leur dépôt. Ce qui fait que les squelettes, finalement, sont très bien représentés et présentent une bonne connexion, une bonne topographie générale. Donc, il a été finalement relativement facile de les identifier et de les différencier. Philippe Lefranc, vous avez une idée des armes qui ont été utilisées pour tuer ces malheureux voisins ? Il faudra sans doute que Fanny étudie très attentivement la morphologie des fractures, mais il y a fort à parier qu'il s'agit de haches pour cette période du néolithique. On a déjà ce genre d'objet oui, qui arrive. Ça sert à quoi normalement d'ailleurs ? La hache, ça sert à peu près à tout au néolithique. Ça sert à couper du bois, ça sert à fracasser des crânes. C'est à la fois un outil et une arme. Fanny Chenal, vous me disiez, vous avez 6 individus sur le ventre, sur le dos, sur le côté, mais vous avez aussi des bras. Oui, on a aussi des bras et des bras gauches. Donc on a les restes de 4 bras gauches. 3 sont fracturés entre l'épaule et le coude, et un est représenté seulement par un fragment d'ulna, donc c'est un os de l'avant-bras. Parmi ces 4 membres supérieurs gauches, 3 appartiennent à des adultes et 1 appartient à un individu qui est biologiquement immature, qui aurait entre 12 et 16 ans. Et ces bras, on les a retrouvés au contact strict des squelettes fracturés et ils étaient en parfaite connexion anatomique. Donc on peut penser qu'ils ont été jetés avec les corps et qu'à ce moment-là, les chairs étaient encore présentes. On voit les traces de découpe sur l'os ? Alors ça, malheureusement, il faudra attendre l'étude anthropologique pour le savoir. Mais, mais on a quand même pas résisté à en nettoyer un. Et on a vu effectivement des traces de coups violents, donc des grosses entailles qui suggèrent qu'on les a coupées avec un outil tranchant et ou contondant. Ces individus n'ont pas été tués, ils ont été littéralement mutilé, Philippe Lefranc. Alors, on observe deux choses dans la fosse. Il y a d'un côté les corps qui présentent des fractures multiples, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis les bras coupés. Peut-être commencer par les bras coupés. L'équipe qui a étudié l'ensemble de Bergheim, donc Fanny Chenal, Bruno Boulestin, Bertrand Perrin, ont posé l'hypothèse, avec raison, du trophée guerrier. Voilà. Et il me semble que cette hypothèse-là est bien illustrée aussi par l'ensemble d'Arenheim. La pratique du trophée, c'est une pratique universelle. On trouve ça sur tous les continents. C'est très très bien documenté, notamment en Amérique. Il n'est donc pas tout à fait étonnant de trouver ce type de trophée dans une fosse néolithique. Pour les individus qui ont été violentés, massacrés, c'est un autre problème. Là, ce sont des individus qui sont probablement arrivés vivants sur le site, moi je les imagine assez bien comme des captifs, et qui ont été tués, peut-être même torturés, en tout cas, qui ont été abattus sur place. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Fanny Chenal, vous étiez venu dans le Salon Noir il y a quelques années pour une autre découverte à peu près similaire. Vous pouvez nous raconter cette aventure ? Oui, je suis venue il y a quelques temps accompagnée de Bruno Boulestin et Bertrand Perrin pour parler d'une découverte à peu près similaire, donc évoquée par Philippe, la découverte de Bergheim, la fosse 157 de Bergheim qui renfermait les restes de 8 individus, donc 8 squelettes complets, des hommes, des femmes et des enfants cette fois, dont un homme présentait des traces de violence. Et sous ce dépôt de squelettes complets, on a retrouvé les restes de 7 membres supérieurs encore gauches, donc 7 bras gauches encore une fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes les raisons de penser que la fosse d'Arenheim, la fosse 124 d'Arenheim, est contemporaine de celle de Bergheim. Alors pourquoi ces bras gauches ? C'était invraisemblable. C'est Oui, absolument invraisemblable. Voilà, des bras gauches. Alors, pourquoi des bras gauches? Je pense qu'on aura du mal à le savoir avec certitude. Après, ça peut correspondre à plusieurs choses. Comme disait Philippe, on a posé l'hypothèse de prise de trophée pour la fosse de Bergheim. Ça semble pouvoir se confirmer ici, des trophées guerriers. Après, pourquoi les gauches? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Ça peut être une signature... du groupe qui prend les trophées. Ce groupe-là prend plutôt les bras gauches, un autre prendrait plutôt les bras droits, on ne sait pas, mais on peut poser cette hypothèse. Philippe Lefranc, vous avez quelques idées là-dessus ? Oh, pas plus que Fadi, mais elle a tout à fait raison, ça pourrait être une signature. Le bras gauche, ce n'est pas anodin. Pour prendre un exemple américain, je crois que dans la province du Kentucky, les Indiens prennent des bras et dans l'état frontalier, d'autres Indiens prennent les jambes comme trophée. Voilà. Les Sioux sont réputés pour couper les têtes, les Cheyennes pour couper les doigts. C'est la signature d'un groupe aussi. Ça Donc c'est culturel. Culturel, oui, bien sûr, c'est ritualisé et culturel, oui, c'est pas du tout un hasard. Ces individus sont bien sûr morts et ont été réellement mutilés, écrabouillés. Leur visage devait être quasi en miettes. On va au-delà de la mort. Oui, on va au-delà. Le problème va être d'établir, je crois qu'on n'arrivera pas à l'établir, si ces individus ont été violentés de leur vivant et ont ensuite été exécutés, ou s'il s'agit d'un acharnement sur le cadavre. Ce sont deux choses assez différentes. Si les individus ont été ramenés vivants sur le site, s'ils ont été kidnappés, rasillés, en tout cas, s'ils arrivent en tant que captifs sur le site et qu'ils sont torturés en public, c'est ce que faisaient les Iroquois avec leurs captifs, qui étaient soit adoptés, soit torturés, puis mis à mort, c'est autre chose que l'acharnement sur les cadavres. L'acharnement sur les cadavres, c'est la pratique que les anglo-saxons appellent l'overkilling, qu'on traduit par le surmeurtre ou la surdestruction, et qui a pour but l'annihilation de l'individu, l'annihilation de son être surnaturel également. Et c'est quelque chose qui est bien attesté, là aussi, en Amérique, notamment chez les Indiens des Plaines. On a des témoignages des gens qui ont visité le champ de bataille de Little Big Horn et qui ont vu les cadavres des soldats américains qui avaient été démembrés et défigurés par les Indiennes. On pourrait être sur un cas comme ça, à Arnheim, en Alsace, vers 4200 avant notre ère ? On pourrait tout à fait être sur un cas comme ça, à Arnheim, en 4200 avant notre ère. Oui. Les sociétés traditionnelles sont des sociétés guerrières. Je crois que la preuve en est faite depuis un bon moment déjà. Toutes ces sociétés-là sont tournées vers la guerre. Elle n'a pas toujours une grande visibilité. Ça relève souvent de la violence interpersonnelle. Et puis de temps en temps, il y a ces pics de violence qui apparaissent sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. C'est le cas à la fin du Néolithique ancien, vers 5000, par exemple. Et puis c'est le cas maintenant aux alentours de 4002 avec ces deux dépôts d'Arnheim et de Bergheim. Mais les pratiques qui sont fossilisées dans ce silo évoquent vraiment fortement des pratiques guerrières. Ritualisé, évidemment, hein. C'est des gestes dont sont victimes des prisonniers. Voilà. J'imagine pas qu'il puisse s'agir de blessures portées sur un champ de bataille. Hein. C'est pas ça. Les gens sont probablement ramenés et puis ensuite traités de cette façon extrêmement violente. Est-ce qu'on peut penser qu'ils aient même été torturés ? S'ils étaient vivants, quand on leur a brisé les membres, oui, ils ont été torturés. Je crois qu'il y a aussi des fractures sur les doigts, sur les côtes, sur les orteils, enfin... Voilà, ils ont vraiment été très, très, très violemment traités. La torture est tout à fait possible, mais elle est difficile à prouver. Pénichonal, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez étudier toutes ces traces pour voir quels ont été les coups, quelles ont été les armes, comment les hommes ont fait ? Oui, bien sûr, on va étudier le contenu de cette fosse os par os. Je pense qu'on va avoir de nombreuses surprises. On va pouvoir voir de nombreuses traces d'outils, enfin d'armes. Sur les os, on va étudier très précisément la localisation des fractures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on prend chaque squelette individuellement, il a beaucoup de raisons d'être mort. Rien qu'en observant les fractures, on parle de polyfracturé ici parce qu'on a affaire qu'au squelette, mais ces individus ont été polytraumatisés. Les fractures ont forcément causé des blessures internes qui ont pu causer la mort, outre le fait que les crânes soient en miettes et les jambes également. Philippe Lefranc, qui sont les agresseurs ? On peut émettre quelques hypothèses hein, qui peuvent paraître un petit peu hardies, mais il faut bien en poser. À partir de 4002, on a on commence à voir apparaître des choses un petit peu bizarres. Donc, on l'a dit, apparition d'enceintes défensives. Et puis, ces deux exemples de pics de violence. Tout ça étant contemporain, autour de 4002. Alors, on regarde ce qui se passe juste après 4002, et on s'aperçoit que la culture locale, donc les gens qui ont construit le site d'Arenheim, les gens qui ont construit cette enceinte, cette culture locale va complètement disparaître de Basse-Alsace, elle va être remplacée par une autre culture. Archéologiquement, ça se traduit par un changement dans le style céramique, dans les décors céramiques, qui n'offrent aucune solution de continuité. On s'aperçoit également que les rites funéraires changent, que les habitats sont relocalisés. Hein. Donc ça fait beaucoup de ruptures, tout ça. L'hypothèse que je poserais bien volontiers est celle d'une période troublée qui pourrait être liée à l'irruption en Alsace d'une population exogène. Population originaire du bassin de la Seine, qui rentrerait en conflit potentiellement avec les populations locales. Ce seront les Parisiens qui annihileront cette culture alsacienne pour vous ? Alors, ils ne vont pas annihiler cette culture-là, elle va se replier sur la Haute-Alsace où elle va continuer à se développer. Hein, mais on va la retrouver dans une autre région. Elle va complètement disparaître de Basse-Alsace, avant d'être elle-même remplacée par une autre culture également originaire du bassin parisien. Il y a beaucoup de mouvements au néolithique, hein, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que l'on cherche ? De nouveaux territoires ? De nouvelles terres à conquérir ? C'est peut-être lié à une certaine pression démographique, parce qu'on voit des cultures en expansion dans le bassin parisien. À ce moment-là, il y a la grande culture de Michelsberg, peut-être on peut la citer, qui apparaît dans le bassin parisien et puis qui connaît une grande expansion. Il y a, à la fin du 5e millénaire, une redistribution des cartes. Hein, les cartes géopolitiques de l'Europe changent assez rapidement. Donc je pense qu'il y a des mouvements de population, de recherche de nouvelles terres, effectivement, avec augmentation des risques de conflits violents. Voilà. Dans notre silo d'Akenheim, il n'y a que des hommes. Où sont les femmes ? Elles auraient été kidnappées dans un rapt freudien ? Non, alors, la façon dont moi je vois plutôt, alors vous faites référence au site Rubané où manque la classe des jeunes filles parmi les victimes qui ont effectivement probablement été emportées par les vainqueurs, hein, c'est le repos du guerrier. Nous n'avons que, le fait que nous n'ayons que des hommes, moi me fait plutôt penser à un parti guerrier, soit des gens qui ont attaqué, voilà, un raid guerrier qui a mal tourné, ils ont été un échec, si vous voulez, ils ont été faits prisonniers, ou alors à des captifs qu'on est allé chercher dans la communauté d'à côté. Hein, ça, c'est tout à fait possible aussi. Le fait qu'on ne ramène que des hommes pour les torturer, c'est quelque chose qui est assez bien connu chez les Iroquois, par exemple, qui ramènent plutôt des captifs masculins pour leur rituel guerrier. Quoi. Alors, à vous écouter, Philippe Lefranc, si je comprends bien, nous sommes chez les gentils Alsaciens qui ont attrapé quelques vilains parisiens et vont les torturer ? Tant qu'on aura, oui, vu comme ça, c'est assez intéressant, pourquoi pas. Tant qu'on n'aura pas fait d'analyse génétique vraiment poussée pour voir si la population de ce silo partage les mêmes caractères génétiques que les locaux. Par exemple, on a la chance d'avoir une petite nécropole qui est probablement contemporaine de l'enceinte. Si on arrive à déterminer les liens génétiques ou l'absence de liens génétiques entre les deux populations, on pourra peut-être commencer à réfléchir à ce type de questions. Dans vos sites, ce qui est intéressant, c'est que l'on est visiblement sur deux populations différentes. Avec d'autres sites, notamment fouillés en Allemagne, on serait dans des guerres ou dans des conflits interculturels ? Oui, vous faites référence à la crise de la fin du 5e millénaire, qui implique effectivement le même grand groupe culturel, mais il s'agit d'une culture qui s'étend de l'Ukraine au bassin parisien. Donc, même s'il y a une communauté de culture, il y a quand même des groupes qui sont indépendants. Hein. Ça n'empêche évidemment pas la guerre. Voilà. La crise de la fin du 5e millénaire est assez bien étudiée. On a beaucoup de vestiges. Par contre, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Les publications sortent régulièrement qui tentent de l'expliquer, qui par une crise climatique, qui par les épidémies, qui par une crise sociale. On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, cette crise aboutit à la disparition totale de cette grande culture. Il y a d'autres exemples, par exemple Asparn en Autriche, Erxheim aussi dans le Palatinat. Oui, ce sont aussi des sites rumanais. Erxheim est assez particulier puisqu'il s'agit de traces de violence, bien sûr, mais c'est très ritualisé. Erxheim, il y a 350 individus, si je me souviens bien, qui ont été cannibalisés et dont les restes ont été déposés dans des fossés qui appartiennent à une enceinte cérémonielle, accompagnée par de la céramique décorée qui vient de multiples provinces du Rubanais. Donc ce sont des gestes très, très complexes, très ritualisés, qui pourraient peut-être, dans le cas d'Erxheim, s'apparenter davantage à des rites sacrificiels, peut-être, qu'à un massacre. Voilà. Dans le cas d'Arenheim, je pense qu'il s'agit plutôt d'un rituel strictement guerrier. On n'est pas dans une logique sacrificielle. On est quand même, grosso modo, sur l'émergence des conflits, l'émergence de la violence de masse. Avant, il y a bien sûr un peu de violence, mais elle reste visiblement épisodique et elle ne concerne pas 10, 20, 50, 300, 350 personnes. Oui, il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps sur la fin de la préhistoire, ce qu'on appelle le Mésolithique, qui ont montré que la violence n'était pas absente de ces communautés de chasseurs-cueilleurs. Et beaucoup de travaux ont montré que c'était pas l'apanage des sociétés agraires. Voilà. Mais effectivement, avec la production des richesses, la complexification sociale, on assiste à partir du néolithique ancien à l'augmentation de la violence qui se manifeste par des pics comme ça, que l'on rapporte à de la violence collective, qui vont bien au-delà que la violence interpersonnelle. Dans cette fosse, les 10 individus ont visiblement été massacrés, probablement rituellement. Est-ce que l'on peut penser aussi à ce que cette guerre soit ritualisée? Vous le percevez, vous? Pas moi spécialement, mais la guerre traditionnelle, primitive, selon le terme de l'époque, pour reprendre le titre d'un petit essai de Pierre Clastre, dont il faut absolument conseiller la lecture, qui est ancien, 1977, mais qui a gardé toute sa force. Oui, la guerre est ritualisée. C'est ritualisé avant, c'est ritualisé pendant. Le rituel est toujours présent après. Pour la prise de trophées, par exemple, il ne s'agit pas seulement de ramener un trophée pour montrer qu'on a abattu personnellement un ennemi. Le trophée ensuite est impliqué dans des rites guerriers qui sont des rites de commémoration. Il est suspendu à des poteaux. On connaît ça chez les Indiens de Floride. Il y a des gravures qui sont célèbres. C'est attesté aussi chez les Indiens des plaines. Ce sont des gestes qui sont très, très complexes, qu'on a un petit peu mal à saisir. Évidemment, pour le néolithique, on ne sait pas. Mais grâce à l'ethnographie, on peut au moins avoir quelques pistes de réflexion. Et ça peut aller très très loin. La prise de la tête chez les Dayaks de Bornéo est liée à des rites agraires, par exemple. Donc tout ça est extrêmement complexe. Félix Chenal, qu'est-ce que vous attendez de cette fosse et de ces 10 individus? Peut-être faire de la paléogénétique pourrait être une clé, par exemple? Oui, bien sûr. Là, j'espère qu'on va pouvoir rapidement étudier cette fosse dans son ensemble. On va bien sûr lancer des analyses paléogénétiques pour comparer notamment les individus de cette fosse entre eux et aussi à ceux qu'on va retrouver dans la nécropole qu'on espère contemporaine sur le même site. On va travailler en collaboration avec l'Université de Bordeaux pour les analyses paléogénétiques. Et puis, on va essayer d'en apprendre le plus possible sur ces individus, qui ils étaient, pourquoi sont-ils là, pourquoi sont-ils massacrés. On va vraiment essayer de pousser l'étude au plus loin. En tout cas, le néolithique ne serait donc pas ce temps heureux où les sociétés étaient égalitaires et pacifiques? Non, c'est vrai que c'est quand même maintenant une idée reçue, ce genre de choses. Là, je pense qu'on peut maintenant définitivement dire que non, la violence au néolithique existe bel et bien. Et que non, les populations néolithiques ne sont pas les populations paisibles qu'on imaginait. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Delphine Bedet avec la contribution de Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site de l'INRAP. À découvrir donc demain chantiers, centres et musées lors des journées de l'archéologie. Vous pouvez découvrir le programme dans la revue Archéologia ou sur le site journée-archéologie.inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre à une découverte encore plus ancienne.